qu'elle tout met sans papier en Belgique depuis 11 ans. Elle s'est battue pour ses droits, a fait partie de l'occupation de l'Université libre de Bruxelles en 2009. Depuis un an, elle attend une réponse à sa demande de régularisation, selon les critères temporaires établis par le ministère suite aux occupations. Donc voilà, Keltoum, on est à l'hôpital ici. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel est ton parcours dans la lutte sans papier jusqu'à maintenant et où est-ce que tu en es aujourd'hui après toute la lutte que tu as fait? J'ai reçu le papier de 3 mois, carte orange, 3 mois. Alors j'ai resté un an avec la carte orange de 3 mois. J'ai tampon chaque 3 mois à la commune. Après la sortie du circulaire, la commune m'a envoyé des papiers. Il faut que je prépare toutes mes preuves, que j'ai 11 ans en Belgique. Ça fait 11 ans que tu es en Belgique. L'année passée, c'est déjà que je suis dans la grève de la faim, j'ai 10 ans. Cette année, c'est 11 ans. Alors, j'ai tout préparé. Tous mes papiers vont valables de docteur, de la clinique, de toutes mes preuves valables. J'étais chez l'avocat, j'ai donné mon dossier, tout pour le circulaire. Et j'ai envoyé une lettre à le ministre flamand que je peux travailler, je ne peux plus tenir le coup. Sans travail, sans mutuelle. Il me répond qu'il n'a pas le droit de travailler. Je veux louer une maison, je n'ai pas de fiche de paye. Beaucoup d'angoisse parce que je ne sais pas louer, je n'ai pas de fiche de paye. Alors ce n'est pas possible. J'ai la carte orange, mais je ne peux rien faire avec. Avec cette carte orange, tu as juste le droit d'être en Belgique. Voilà, rien faire d'autre. Donc la seule chose que tu attends maintenant, c'est la régularisation. Bien sûr, ça que j'attends et ça dure longtemps et je ne peux pas avoir, je ne sais pas, peut-être un an, peut-être 2 ans, sans travail, sans rien, je ne sais rien. J'ai été à l'office, il ne me répond rien. L'avocat, il ne me répond rien. J'ai rien d'autre. Donc tu ne sais pas du tout en fait quand la réponse viendra pour cette régularisation? Non, ils ne l'ont pas vraiment. J'ai été même en bureau, ils n'ont pas de réponse, ils l'ont téléphoné à l'office, ils n'ont pas de réponse. À la fin, je suis dans une dépression, j'ai pris plein de médicaments, je voulais finir ma vie parce que je suis comme un jetable, moi ici, le jetable utilisé, jeté. Je ne peux plus travailler ni en noir, je ne peux rien faire, j'en ai marre. J'ai fatigué de travailler en noir, j'ai mal au dos, maintenant je suis à l'hôpital. Donc tu as fait une tentative de suicide? J'ai fait une tentative de suicide parce que je n'ai pas une place dans le monde. Moi j'ai ici 11 ans, à ma pied, j'ai plus de place. Ici, je suis peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. On ne sait pas. L'on dit les gens qui ont 5 ans en Belgique, ils ont le droit de circuler. Moi j'ai 11 ans en Belgique. Alors, j'explique un peu. Nous, on s'est rencontrés sur la grève de la faim qui a eu lieu l'année dernière à l'ULB. Et tu, dans ce cadre-là, tu as été hospitalisé après 60 jours de grève de la faim. Ouais. Et donc, l'hôpital Molière t'a envoyé les factures. 7 000 euros. Une facture de 7 000 euros. Et je suis en justice pour payer cette facture. Alors, la carte de 3 mois, ça m'a coûté ma vie et ma santé et 7 000 euros en plus. Alors moi, que je ne travaille pas, d'où je vais payer les 7 000 euros? Comment je dois payer 7 000 euros et moi, je n'ai pas de travail? Il te refuse le permis de travail, oui, pour travailler avec la carte orange, mais par, oui, contre, il t'envoie les factures d'hôpital. Oui, il m'oblige de payer aussi. Je suis en justice déjà. Il faut payer, mais tu ne peux pas travailler. Comment je veux trouver l'argent? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas dormir. Je ne dors pas. Et tu n'arrives pas à imaginer d'autres possibilités de vivre en Belgique sans cette régularisation? Il n'y a pas une autre possibilité. J'ai 11 ans et moi, j'ai battre. 11 ans, je suis comme en guerre. Je n'ai pas fait des choses contre l'État, je n'ai pas fait des mariages blancs, je n'ai pas fait des enfants pour avoir des papiers, je n'ai pas profité, moi. Moi, j'ai demandé en aide. Mes papiers, je me demandais un séjour honnête, qu'est-ce que je dois faire? Travailler en noir, une fois quelqu'un me paye, une fois quelqu'un ne me paye pas, parce que je n'ai pas une autre solution, je ne vais pas voler. obligée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Allez, est-ce que c'est correct, il y a un circulaire? Je demande les questions, moi aussi. Est-ce que c'est vrai, qu'est-ce qu'ils disent à la télévision? Moi, maintenant, je crois qu'il n'y a rien de tout ça. Normalement, moi, j'ai 11 ans. Je n'ai pas des enfants. Je ne vais pas profiter de l'État. Allez, rien. Et tu crois qu'il n'y a pas de possibilité en Belgique de vivre sans être régularisé, sans avoir les papiers? Non, ça ne va pas. Ce n'est pas juste. Hein. Il y a besoin ici, en Flandre, il y a besoin de main-d'œuvre. Il y a besoin des gens pour travailler. J'ai été au Vidiabé, ils m'ont dit, on a une place pour toi de travailler. Partout où j'y vais, il y a la place pour travailler. Je ne sais pas. Tu regrettes d'avoir fait la grève de la faim? Je veux te dire quelque chose. Moi, je ne regrette pas que j'ai fait la grève de la faim. Parce que j'ai demandé un droit d'être connu dans le monde. C'est rien, je n'ai pas demandé quelque chose d'autre. Mais ça n'a pas marché. Non. Mais ils ont dit, on va régler les gens cas par cas. Alors comment moi, j'ai 11 ans, je ne suis pas réglée, et je vois des gens qui ont 4 ans, et l'ont un quart direct de 5 ans, qui n'ont pas même fait la grève de la faim. Ça c'est quand même dingue, c'est pas juste. Tu regrettes d'être partie de Tunisie? Pour moi, je ne regrette pas parce que j'ai passé une enfance dure. J'ai pensé que je viens en Belgique, c'est la démocratie. Ça, pour ça, moi, je suis ici. J'ai dit oui, je vais aller vivre à une autre place. La terre, c'est pour tout le monde. La terre, pour tout le monde. Je ne suis pas voleuse, je ne suis pas trafiquante, je ne suis rien. Je suis quelqu'un que je veux travailler et je veux faire ma vie. Voilà, pas plus. Pas plus. Alors, peut-être que je n'ai pas une place dans le monde. Peut-être que le monde l'a accepté pour moi. Pour moi. Je ne sais pas. Et c'est quoi tes perspectives maintenant? Qu'est-ce que tu penses que tu peux faire? Pour l'instant, je ne veux plus rien. Je vois les gens qui sortent le matin pour aller travailler. Moi, je suis coincée, bloquée, comme un prisonnier avec le bracelet de la carte orange. Voilà, je ne sais rien faire. J'attends dans ma boîte à lettres chaque jour qu'il veut me dire « Viens, cherche la carte électronique, tu peux travailler. » Alors, moi et la boîte à lettres, on a un amour. Chaque jour, c'est dingue. Parfois, je vois le facteur de la rue. Je dis « Il n'y a pas quelque chose pour moi. Allez. » « Warum ek nit werken ?»« Warum ?»« Warum minister ni pour Benasser werken ?» Waarom? Ik niet aan de kap. Ik chef-kok. Ik kosto hier op België. Waarom? Ik alleen zwart werken is goed. Dan niet goed voor mensen. Dan niet goed voor belasting. Niet goed voor alles. Niet goed voor alles. Tu fais quoi comme métier? Tu peux me rappeler? Je suis un chef de cuisine. Je suis un chef de cuisine pensionné depuis 11 ans. Je travaille simplement en noir, mais ça, ce n'est pas correct. Il y a beaucoup de travail pour moi. Je peux travailler dans une roue, préparer pour les vieux. Donne-moi 1200 par mois comme chef-coq, pas plus. Et je travaille préparé pour tous les hôpitaux, pour un caserne de militaires, pour n'importe. Mais donne-moi travailler. Nettoyer les rues, donne. Pourquoi tu es venu en Belgique? C'est par hasard, en Belgique en particulier? Depuis que j'ai l'âge 6 ans, je mange les pralines de la Belgique. Ma famille, ils ont 40 ans en Belgique depuis l'accord de le roi Baudouin. La Tunisie et la Belgique, ils ont été avant sans visa. Toute ma famille à Knok, ils ont bien tous nationalité, sauf moi, sans papier. Et quand là, une zone de papier. Ah, yeah. Yeah. C'est la vie. C'est vraiment. Pourquoi moi je suis en psychiatrie? Parce que je veux comprendre. Tu es en dépression parce que tu essayes de comprendre la logique du système. Voilà, je veux comprendre vraiment la logique. Peut-être l'horizon. Je ne sais pas, mais moi, je veux comprendre les raisons avec qui. C'est vrai qu'elle a de quoi devenir. Il y a des gens à Bruxelles, ils ont le même cas que moi, la carte orange, ils ont reçu le permis de travail. Pourquoi ? Laisse-moi bouger, travailler, faire ma vie comme les gens. Allez. Est-ce que tu peux te représenter ? Bien sûr. Je m'appelle Kaltoum Benasser. Je suis tunisienne, j'habite à Blankenberg. Pour la libre circulation, l'égalité des droits pour tous, contre la militarisation des frontières, l'Europe forteresse. Venez au camp No Border à Bruxelles, du 25 septembre au 3 octobre 2010. Toutes les informations sur noborderbxl.eu.org.